J'ai une guitare et un stylo, je suis pas trop laid sans être trop beau. J'ai un capital sympathie avoisinant celui de Gandhi. Je fais de l'humour et du sentiment qui plaisent aux filles et à leur maman. Je parle aux bourgeois et aux prolos, faut dire que je me mouille pas trop. Alors y'a pas de raison, pardi, qu'on vende pas mes disques à monoprix. Qu'on m'entende pas à la radio, j'aille pas à la télé faire le beau. Alors y'a pas de raison, bordel, que mes tubes finissent à la poubelle. Ça serait une déception immense, puis surtout un drame pour la France. Parce qu'il faut dire, puis Claude François, la chanson française est au plus bas. Personne pourra renouveler l'exploit d'Alexandrie, Alexandra. Et moi mon ambition cachée, mon objectif inavoué, c'est de faire comme Céline Dion et de gagner l'Eurovision. Alors y'a pas de raison, ça me ferait mal que je fasse pas aussi bien que France Gall. Et que depuis la stratosphère, je revisionne la terre entière. Alors y'a pas de raison, putain, que je sois pas la star de demain. Ça serait formidable que je puisse, puis surtout un drame pour la Suisse, yeah. Peut-être je m'emballe un peu, puis l'Eurovision c'est pour les vieux. Sinon je me contenterai, tant pis, gagner la Star Academy. Je deviendrai le roi de la rime, le champion des évaluations. Et puis je profiterai du prime pour aller draguer Céline Dion. Alors y'a pas de raison, bon sang bois, que je prenne pas l'accent québécois. Et qu'en direct sur TF1, Céline et moi, on se donne la main. Alors y'a pas de raison, tabarnak, que je devienne pas le roi de la Starac. J'irai jusqu'à montrer mes fesses pour que les gens claquent des SMS. Yeah! Dès que je suis connu, moi je vous oublie. Au profit de mes nouveaux amis, je ferai semblant de pas vous avoir vu si jamais je vous croise dans la rue. Mais je me rends compte, tout ça c'est loin, ça va pas arriver demain. Mais en attendant, je me prépare à devenir un vrai connard. Alors y'a pas de raison que ça traîne, moi je pense c'est une question de semaine. La gloire, je suis sûr que ça m'irait, en tout cas qu'elle vienne, je suis prêt. Alors y'a pas de raison, oh non y'a pas de raison.